Dès le départ, je laisse parler ma rage. Un sale démarrage, perdu dans les parages. Taille à la max, cette sale démarrage. J'envoie la frappe, le couze. Écoute, pas de ceux qui parlent beaucoup. Balance la prod et le pack de 12. J'ai quelques faces assassines, quelques fois ça saigne. On m'a dit, faut que ça signe et faire confiance à l'assassin. Putain, mes potes avancent à peine. C'est la MERDE, les yeux fermés, ça part à dame. GPS pour la NPE. J'bosse pas, j'bluffe ma bave. Moi, bosse avec la basse. Insolent, même chez les enfants, ça fraude et pèse la bac. Eh, hey, encaisse l'impact. Moi, j'ai perdu le feeling. Des putes et des arnaques. La rue, c'est un site de streaming. J'voudrais me casser la bacache, casser la baraque, décrocher la baraka et balèque de la starak. Mat, j'rentre du taf là, toucher le smic est infâme. J'mets le doigt où ça fait mal, tout comme le gynéco de ta femme. Bien sûr qu'on fait du sale, vous en faites pas les mecs. Le fait d'en parler mal, moi ça me paraît net. J'écris du fond de la classe, là où on paraît bête. Assoiffé par la maille, dépassé par les dettes. Bien sûr qu'on fait du sale, vous en faites pas les mecs. Le fait d'en parler mal, moi ça me paraît net. J'écris du fond de la classe, là où on paraît bête. Assoiffé par la maille, dépassé par les dettes. Et pour se la refaire à l'ancienne, il paraît que je suis né trop tard, ma puce. J'suis pas dans le game, oublie le week-end à être tard. Toujours en retard quand on m'attend, j'ai vu trop de bails s'enfuir. Tellement collé au canapé que mon trou de balle sans le cuir. On veut le meilleur sans le pire, et la médaille sans se battre. C'est triste à dire, j'te parle de tèche derrière un mic à 900 balles, j'm'emballe. J't'ai pas tout dit mystérieux comme le cœur des femmes. On craint pas l'eau qui danse, méfie de la chaleur des flammes des fois. J'pense à tout ken, à la cata et tout stoppé. Où sont tes potes dans la galère? Pour une bouteille, sont tous sopés. On va pas se mentir, les promesses deviennent des blabla. Astérix, ça fait tricard le gros, en baisant falbala, v'là le bazar, putain. Pourtant serein comme ça le gamin. La mort c'est une belle femme, une seringue dans un sac à main. J'écris chaque matin, le temps s'écoule, écoute, on se pète au son, ça pue, ça craint. Encore un 16 mesures par précaution. Bien sûr qu'on fait du sale, vous en faites pas les mecs. Le fait d'en parler mal, moi ça me paraît net. J'écris du fond de la classe, là où on paraît bête. Assoiffé par la maille, dépassé par les dettes. Bien sûr qu'on fait du sale, vous en faites pas les mecs. Le fait d'en parler mal, moi ça me paraît net. J'écris du fond de la classe, là où on paraît bête. Assoiffé par la maille, dépassé par les dettes.